Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Sixième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Le 20 octobre 1979, j'ai été condamné à 15 mois de prison. Un mouchard du quartier m'avait dénoncé. Pour des raisons de sécurité, le type a témoigné devant le juge dissimulé par un rideau. Il a raconté que j'avais frappé un jeune adolescent en lui disant que l'IRA punissait les dealers. Et que s'il revenait dans le ghetto avec sa cam, je lui collerais une balle dans le genou. M'envoyer en prison pour avoir menacé un dealer. Les Britanniques étaient loin du compte. Après avoir été responsable du 2e bataillon, puis de la brigade de Belfast, je venais de rejoindre l'état-major de l'IRA. Le petit bonhomme en noir ne se doutait pas de qui il jugeait. 15 mois, un cadeau et une horreur pourtant. Depuis le 1er mars 1976, les républicains et les loyalistes emprisonnés avaient perdu leur statut de prisonniers de guerre. En une nuit, par la violence des lois spéciales, nous étions devenus des bandits et devions porter le costume carcéral des droits communs. Le 14 septembre 1976, en arrivant à la prison de Langkesh, Kieran Nugent a exigé de rester nu dans sa cellule. Il s'est enveloppé dans ses couvertures de lit. Il avait 19 ans. Et ce fut le premier d'entre nous. Un deuxième l'a suivi. Puis un troisième. Frank Mickey Devlin fut le 9e. Battus chaque fois qu'ils allaient à la douche, les gars ont brisé leur mobilier et refusé de sortir des cellules. En représailles, les gardiens ont tout vidé, ne laissant que les matelas sur le sol. Quelques jours plus tard, ils n'ont plus sorti les tinettes. Lorsqu'elles ont débordé, les soldats républicains ont décidé de pisser par terre, de chier dans leurs mains et de répandre leurs excréments sur les murs. Lorsque je suis entré au blocage 4 de la prison de Langkesh, le jeudi 1er novembre 1979, cela faisait 3 ans que 300 camarades étaient nus dans leur couverture et vivaient dans leur merde. Devant les 5 gardiens, j'ai enlevé mes vêtements sans un mot, sans un regard. J'ai pensé à Jack, à mon fils, qui était entré dans cette pièce 5 mois plus tôt. Un miroir était posé sur le sol. Je me suis accroupi sans qu'il me demande rien, l'anus ouvert avec mes doigts. J'avais 54 ans. Les matons étaient plus jeunes que moi. L'un d'eux m'a tendu le vêtement carcéral, soigneusement plié. Bleu pétrole à galon jaune. Je refuse de porter l'uniforme des criminels. Je suis un prisonnier politique. Ils m'ont jeté nu en cellule d'un coup de pied dans les reins. Mon front a heurté le sol. Je me suis assis avec peine. J'avais le pouce foulé, 2 coudes fêlés. Je saignais de la bouche et du nez. Le dessus de ma tête était abîmé, un lambeau de chair arraché. Ma jambe gauche s'est mise à trembler. Il faisait froid. J'ai regardé la cellule. Dans un coin, une guenille d'homme enfouie dans sa paillasse. Jack ? J'ai eu peur que ce soit lui. Et je l'ai espéré. Mais ce n'était pas mon fils. C'était un autre fils. Il a tourné la tête, s'est levé lentement de son coin de cellule. Il était très jeune, maigre, plus gris que pâle, une barbe en désordre et les cheveux sur les épaules. Sans un mot, il a pris les couvertures pliées sur le matelas libre, les a déposées sur mes épaules et s'est assis à côté de moi. Alors j'ai baissé la garde. Je ne sais pas pourquoi. Ce geste, peut-être. J'ai respiré à petite saccade. J'ai laissé aller l'eau chaude de mon urine. Je pissais. La flaque luisante et tiède grandissait sous moi. Il n'a pas reculé. Elle a atteint son pied nu, l'a entouré, a continué son chemin de pisse sous le lit. Il m'a tendu la main. Aidan Phelan, brigade de Straben West. Tan Meehan, brigade de Belfast. L'ami de Danny Finlay, je sais. Et c'est un honneur pour moi. Je les roule dans les marges de ma Bible. Les gars disent que ça m'a tué brûle mieux, mais moi je préfère les épîtres. Oh, Saint Matthieu, Saint Pierre. Peu importe. Nous avons fumé en silence. Je regardais la pièce obscure. De la nourriture avariée était amoncelée en tas glaireux le long du mur. Un amas d'immondices, de pourriture humide, de putréfaction. Et la merde étalée jusqu'au plafond. Des traces de doigts. Un crucifix qui pendait à l'interrupteur cassé. J'ai frissonné. Quand il m'avait amené en cellule, les gardiens portaient des masques. L'air avait l'épaisseur de l'égout. Je ne savais pas qu'une odeur pouvait tapisser la gorge. Quand la nuit est tombée, je m'étais presque fait à la puanteur, à mes jambes poisseuses, au froid, à l'obscurité, à notre merde à tous. Tous les soirs, Bobby Sands lançait les slogans de notre révolte. Nous sommes des prisonniers politiques. Notre jour viendra. C'était ta première prière du soir. La nuit, Aidan pleurait parfois. Il gênait comme un enfant, puis remontait la couverture sur sa tête. Un matin, je l'ai regardé. Il dormait sur le ventre, bouche ouverte, joue écrasée. Son bras traînait sur le sol. Des asticots blancs se tortillaient dans ses cheveux et sur le dos de sa main. Au bout de 13 mois, je lui ressemblais. Mes cheveux recouvraient mes oreilles et mon nez en paquets graisseux. Ma barbe poussait en désordre. Le visage de l'un parlait du visage de l'autre. Je voyais ma maigreur dans ses traits tirés, sa peau terne, ses yeux bordés de noir. Go away. Dans son coin de cellule, il organisait des courses de cafards. Moi, je lui faisais réciter les 32 comtés d'Irlande et lui apprenais des mots en gaélique. Les essentiels de la prison. Ross Coleman. Awfully. Bien. Pomeran. Embrasse mon cul. Celui-là, je l'adore. Pomeran. Pomeran! nous avions décidé de chier ensemble pour faire de ce geste privé un cérémonial et transformer cette humiliation en rituel commun. Il s'accroupissait à gauche de la porte, je faisais dans mes mains. Ensuite, nous étalions nos excréments à plein doigt sur les murs en grand cercle tiède. Au début, je vomissais. Brutalité de l'image, violence de l'odeur. Et puis peu à peu, j'ai appris à transformer mon dégoût en colère. Couche fraîche sur couche sèche, j'ai répandu le crépi humain sans avoir honte de moi. Les prisonniers avaient fabriqué des tuyaux de carton roulé qu'ils glissaient dans l'interstice entre la porte et le sol. À heure fixe, juste après le repas, nous pissions dans ces tubes, répandant notre urine dans le couloir. Ils ne nous briseront jamais. Nous étions interdits de visite, de courrier, enfermés nuit et jour, sans promenade. Nous avions renoncé à passer le temps. Nous parlions peu. Nous baissions les yeux des heures durant. Souvent, nous n'osions pas croiser le regard de l'autre. Si on sort de là, on ne pourra raconter ça à personne. Mais tout le monde le sait dehors. Mais ils savent quoi, bon Dieu. Personne ne comprend ce qu'on vit ici. La merde, c'est un mot pour eux, Tyrone. C'est pas de la matière. C'est pas cette saloperie qui coule entre tes doigts. Nous avions comme gardien un drôle de type, presque chauve et plus vieux que les autres, qui avait toujours un mot ou un regard pour nous. Nous l'appelions Popeye, à cause de sa mâchoire et de ses dents au moins. Chaque fois, il regardait notre cachot avec un air désolé. Il devait être catholique. Un jour, il m'a demandé de renoncer à la saleté, d'accepter le costume bleu. J'étais seul en cellule. Aiden avait été transféré à l'administration pour apprendre la mort de sa sœur, tuée dans un incendie. Habituellement, Popeye se tenait sur le seuil. C'est pas vrai. Cette fois, il est entré. Il est resté au milieu de la pièce, à l'écart des murs souillés. Même les animaux ne vivent pas comme ça. Refus de porter la tenue des criminels. Pas de travail obligatoire. Libre association des prisonniers. Une visite, un colis, une lettre par semaine. Rétablissement des remises de peine. J'ai répété nos revendications. Et je m'en suis voulu. Il me parlait en homme, je répondais en automate. Tout le monde se fout de votre grâce et de votre merde, Tyrone. Les Britanniques vous laisseront pourrir comme ça pendant 1000 ans, s'il faut. Le monde se fout de tout ce que vous vivez ici. Il n'y a que vos quartiers de républicains irlandais isolés qui sont concernés. Ça fait 4 ans. 4 ans. Tu te rends compte? Et regarde où vous en êtes. C'est toi qui vis dans la merde, Mian. Pas Margaret Thatcher. Certains d'entre nous pensaient que sa compassion était une manœuvre. La tactique du gentil et du méchant gardien. Mais un soir, alors qu'Aiden pleurait sa sœur, Popeye lui a proposé de passer une lettre à sa famille. Mais promets-moi que c'est pas politique. Un mot de deuil, le réconfort d'un fils à ses parents. Et Aiden a accepté. Pour les deux hommes, c'était un acte insensé. Criminel au regard des règles de la prison. Et pour Popeye, c'était une trahison. Aiden s'est isolé, face au mur. Et a longuement cherché un passage de la Bible. Puis il a déchiré la page. Écoute ça, Tyrone. La prière nationale après la défaite. Psaume 60. Une adresse de David à Dieu. Tu en fis voir de dur à ton peuple. Tu nous fis boire un vin de vertige. Tu crois que j'ai bien choisi ? Dieu nous en fait voir, c'est vrai. Mais je suis sûr que cette épreuve est la preuve de sa présence. Ensuite, il a écrit dans les marges. Une écriture minuscule, serrée. Celle des prisonniers avant la grève des couvertures, lorsqu'on avait encore des visites. Lorsqu'on racontait nos vies sur des feuilles de papier à cigarette, pliées à l'infini, jusqu'à obtenir un gravier de la taille d'un ongle. Ces secrets clandestins, enveloppés dans du papier aluminium et du film transparent. Ces messages cachés dans les joues des hommes à la place d'un plombage manquant. Ces billets qui passaient d'une langue à l'autre dans le parloir au moment du baiser. Et un soir, après le dîner, le gardien est reparti avec nos deux gamelles et le message enfoui dans un reste de haricots blancs. Un matin, les gardiens ont ouvert notre porte en gueulant. Des policiers casqués les accompagnaient. Ils couraient dans le couloir, cognant les murs à la matraque. Au hurlement des autres détenus, nous nous sommes levés. Hayden m'a plaqué contre lui, dos à dos, nuque contre nuque. Nous nous sommes enchaînés, bras de l'un emprisonnés dans ceux de l'autre, poings serrés sur nos torses. J'ai été frappé à terre, mes couvertures arrachées, puis traîné par les jambes dans le couloir. La haie des matraqueurs. Protégés par leurs boucliers, ils se vengeaient de ces putains d'Irlandais, de leurs couvertures, de leurs merdes, de leurs insultes, de leurs mépris. Ils frappaient des hommes nus. Ils nous marquaient. Ils laissaient leurs traces. J'ai été tiré par la barbe et les cheveux jusqu'à la salle de douche. Je me débattais en hurlant. Les cris des autres me rendaient ivre. Un instant, j'ai cru qu'ils allaient nous tuer. Ils m'ont maintenu sur le sol, clé de bras, main serrée autour de mon cou. Je rendais les griffures, les crachats. Et puis j'ai été soulevé et jeté lourdement dans une baignoire d'eau glacée. Ils allaient me noyer. Un coup dans la mâchoire. Je suis retombé en arrière, tête cognant le mur. Ils me lavaient. Ils décrassaient un an de résistance. Un gardien me frottait à la brosse dure. Il décapait une cuvette de chiottes. Il étrillait, il raclait. Il maintenait mes mains sur le rebord de la baignoire en arrachant mes ongles sous le crin. Milliken, je me souvenais. Un gardien chef de l'administration pénitentiaire abattu par l'IRA sur le chemin de sa maison. Mon Dieu, ils vengeaient leur mort. J'ai beuglé de toutes mes forces. Colère pour colère. Leur victime contre les miens. Ils m'ont plongé la tête dans l'eau et maintenu comme ça, une main sur mon crâne, l'autre sur ma nuque, les jambes entravées par deux bras et une chaussure dans les reins. Jusqu'à ce que je suffoque. Et ils nous ont traînés jusqu'à nos cellules. Ma peau brûlait comme dévorée par le soleil et frottée au sable. Tout tournait autour de moi. Et c'est à cet instant que j'ai vu Robert Sands. Pour la première et la dernière fois de ma vie. Ton chef est mal en point. Deux gardiens le ramenaient dans sa cellule. Ils le tenaient chacun sous une aisselle et le traînaient sans précaution. Non, regarde pas. J'ai fermé les yeux. Juste un éclat de lui, recouvert à moitié par sa couverture de lit. Derrière mes paupières closes, j'ai gardé sa peau blanche et les traces de coups. Bras ballants, jambes molles, tête affaissée, ses pieds nus glissaient sur le carrelage. Une âme enveloppée dans un linceul rêche. Bobby commandait Lyra dans la prison. Le prisonnier qui criait en gaélique à la nuit tombée, c'était lui. On m'en avait parlé à l'extérieur, avec beaucoup de respect. Il avait 27 ans. Avant les couvertures, il écrivait des articles pour la presse républicaine, des poèmes. Il dessinait et donnait des cours de gaélique. Bobby Sands avait été arrêté dans une voiture avec 4 hoglas. Il y avait un revolver pour 5 dans le véhicule. Et ce fut 14 ans de prison. Dans ma cellule, j'ai eu un choc. Le sol était mouillé. Tout puait la javel, l'ammoniaque, le chlore. Un mélange de morgue, de chiottes et d'hôpital. Les murs avaient été nettoyés. Ils avaient détrempé nos couvertures et nos matelas. Hayden était dans son coin de mur, couverture mouillée autour de la taille et sur les épaules. Il avait les cheveux plus courts d'un côté et un large trou blanc sur le devant du crâne. De son côté, on voyait la lucarne laiteuse du dehors. Il pleuvait. J'avais mal. Ma peau, ma tête. Mon sang battait. Au fond de ma mâchoire, deux dents étaient brisées. Ma langue était une plaie. Hayden avait un œil fermé, et moi, la bouche ouverte. Nous avons attendu la nuit, serrés l'un contre l'autre, et sans un mot. Le dernier d'entre nous regagnait sa cellule. J'ai levé les yeux. Hayden m'interrogeait en silence. Il souriait dans l'obscurité. Et puis il s'est levé. Il est allé près de la porte, dans son petit coin, sous le crucifix. Alors je me suis levé. Il a chié sur le sol. J'ai chié dans mes mains. Et nous avons commencé à repeindre notre cachot. C'était Retour à Killybegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet, Bertrand de Rofignac, Serge O'Sullivan, Jeff Vlerick. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Ben. Bruitage Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. Let's smile.